paraît que vous avez tapé un gars. C'est un gars de mon quartier en plus. Et je sens qu'ils sont en train de préparer quelque chose. Donc voilà, je te préviens. En plus, bon, moi, ça me met dans une situation difficile, mais c'est pas grave. Évite le quartier surtout. On prétend tous qu'on cohabite, alors qu'au fond de nous-mêmes, on sait très bien que c'est la rage que le ghetto abrite. Plus d'animosité ici qu'au Proche-Orient. Si bien que les frères t'en veulent, ne te reproche rien. Demande-leur pourquoi ils t'en veulent, ils savent même pas pourquoi. Ils veulent la réussite, c'est sûr, mais la veulent pas pour toi. Les dents grincent comme les portes d'un domaine. Quand je vois qu'on se domine les uns les autres, Sam. Voir que c'est mes frères qui attaquent et mes frères qui se défendent. Y'a pas de raison, pas de motif. Et c'est mes frères qui se descendent. Ça me gratte la tête sans cesse comme poétique. Sans cesse. Et je fais rien d'autre que recracher mes conclusions de façon poétique. C'est vrai que je suis qu'un poète, moi. C'est vrai. Ça me tue à l'idée que la prochaine fois, ça peut être toi ou moi. Allô, Cody ? T'es pas là ? Ouais, ils ont eu Loïc, là. Je suis à l'hôpital Jean Rostand, à Ivry-sur-Seine. Et je t'attends, là. Je sais pas où te joindre, mais je t'attends. Putain ! Merde ! Allez, bâtard ! Allô, Cody ? Ça va ?